Chapitre 2e, un intérieur. Ou nous avons trop compté sur la mémoire de notre lecteur, ou nous pouvons espérer qu'il connaît déjà cette rue Saint-Claude, qui touche par l'est au boulevard et par l'ouest à la rue Saint-Louis. En effet, il a vu plus d'un des personnages qui ont joué ou qui joueront un rôle dans cette histoire la parcourir dans un autre temps, c'est-à-dire lorsque le grand physicien Joseph Balsamo y habitait avec sa sibylle Lorenza et son maître Alto Tasse. En 1784, comme en 1770, époque à laquelle nous y avons conduit pour la première fois nos lecteurs, la rue Saint-Claude était une honnête rue, peu claire, c'est vrai, peu nette, c'est encore vrai, enfin peu fréquentée, peu bâtie et peu connue. Mais elle avait son nom de saint et sa qualité de rue du Marais, et comme telle, elle abritait, dans les 3 ou 4 maisons qui composaient son effectif, plusieurs pauvres rentiers, plusieurs pauvres marchands, et plusieurs pauvres, oubliés sur les états de la paroisse. Outre ces 3 ou 4 maisons, il y avait bien encore, au coin du boulevard, un hôtel de grande mine dont la rue Saint-Claude eût pu se glorifier comme d'un bâtiment aristocratique. Mais ce bâtiment, dont les hautes fenêtres eussent, par-dessus le mur de la cour, éclairé toute la rue dans un jour de fête, avec le simple reflet de ses candélabres et de ses lustres, ce bâtiment, disions-nous, était la plus noire, la plus muette, et la plus close de toutes les maisons du quartier. La porte ne s'ouvrait jamais. Les fenêtres, matelassées de coussins de cuir, avaient sur chaque feuille des jalousies, sur chaque plinthe des volets, une couche de poussière que les physiologistes ou les géologues eussent accusée de remonter à 10 ans. Quelquefois, un passant désœuvré, un curieux ou un voisin, s'approchait de la porte cochère et, au travers de la vaste serrure, examinait l'intérieur de l'hôtel. Alors il ne voyait que touffes d'herbe entre les pavés, moisissures et mousse sur les dalles. Parfois, un énorme rat, suzerain de ce domaine abandonné, traversait tranquillement la cour et s'allait plonger dans les caves, modestie bien superflue, quand il avait à sa pleine et entière disposition des salons et des cabinets si commodes où les chats ne pouvaient le venir troubler. Si c'était un passant ou un curieux, après avoir constaté vis-à-vis de lui-même la solitude de cet hôtel, il continuait son chemin. Mais si c'était un voisin, comme l'intérêt qui s'attachait à l'hôtel était plus grand, il restait presque toujours assez longtemps en observation pour qu'un autre voisin vînt prendre place auprès de lui, attiré par une curiosité pareille à la sienne. Et alors, presque toujours, s'établissait une conversation dont nous sommes à peu près certains de rappeler le fond, sinon les détails. « Voisin, disait celui qui ne regardait pas celui qui regardait, que voyez-vous donc dans la maison de monsieur le comte de Balsamo ?»« Voisin, répondait celui qui regardait à celui qui ne regardait pas, je vois le rat. »« Ah, voulez-vous permettre ?» Et le second curieux s'installait à son tour au trou de la serrure. « Le voyez-vous ? Disait le voisin dépossédé au voisin en possession. « Oui, répondait celui-ci, je le vois. »« Ah, monsieur, il a engraissé, vous croyez ? Oui, j'en suis sûr. » « Je crois bien, rien ne le gêne. » Et certainement, quoi qu'on en dise, il doit rester de bons morceaux dans la maison. « De bons morceaux, dites-vous, dame. » « Monsieur de Balsamo a disparu trop tôt, pour n'avoir pas oublié quelque chose. »« Eh, voisin, quand une maison est à moitié brûlée, que voulez-vous qu'on y oublie ?»« Au fait, voisin, vous pourriez bien avoir raison. » Et après avoir de nouveau regardé le rat, on se séparait, effrayé d'en avoir tant dit, sur une matière si mystérieuse et si délicate. En effet, depuis l'incendie de cette maison, ou plutôt d'une partie de la maison, Balsamo avait disparu, nulle réparation ne s'était faite, l'hôtel avait été abandonné. Laissons-le surgir tout sombre et tout humide dans la nuit avec ses terrasses couvertes de neige et son toit échancré par les flammes, ce vieil hôtel près duquel nous n'avons pas voulu passer sans nous arrêter devant lui comme devant une vieille connaissance. Puis, traversons la rue pour passer de gauche à droite, regardons, attenant à un petit jardin fermé par un grand mur, une maison étroite et haute, qui s'élève, pareille à une longue tour blanche, sur le fond gris bleu du ciel. Au faîte de cette maison, une cheminée se dresse comme un paratonnerre, et juste au zénith de cette cheminée, une brillante étoile tourbillonne et scintille. Le dernier étage de la maison se perdrait inaperçu dans l'espace, sans un rayon de lumière, qui rougit de fenêtres sur 3 qui composent la façade. Les autres étages sont mornes et sombres. Les locataires dorment-ils déjà? Économisent-ils dans leur couverture et la chandelle si chère et le bois si rare cette année? Toujours est-il que les quatre étages ne donnent pas signe d'existence, tandis que le cinquième non seulement vit, mais encore rayonne avec une certaine affectation. Frappons à la porte. Montons l'escalier sombre, il finit à ce cinquième étage où nous avons affaire. Une simple échelle posée contre le mur conduit à l'étage supérieur. Un pied de biche pend à la porte. Un paillasson de natte et une patère de bois meublent l'escalier. La première porte ouverte, nous entrerons dans une chambre obscure et nue. C'est celle dont la fenêtre n'est pas éclairée. Cette pièce sert d'antichambre et donne dans une seconde dont l'ameublement et les détails méritent toute notre attention. Du carreau au lieu du parquet, des portes grossièrement peintes, trois fauteuils de bois blanc garnis de velours jaune, un pauvre sofa dont les coussins ondulent sous les plis d'un amaigrissement produit par l'âge. Les plis et la flaccidité sont les rides et la tonie d'un vieux fauteuil. Jeune, il rebondissait et chatoyait. Hors d'âge, il suit son hôte au lieu de le repousser, et quand il a été vaincu, c'est-à-dire lorsqu'on s'est assis dedans, il crie. Deux portraits pendus au mur attirent d'abord les regards. Une chandelle et une lampe, placées l'une sur un guéridon à trois pieds, l'autre sur la cheminée, combinent leur feu de manière à faire de ces deux portraits deux foyers de lumière. Toqués sur la tête, figure longue et pâle, œil mat, barbe pointue, fraise au col, le premier de ces portraits se recommande par sa notoriété. C'est le visage héroïquement ressemblant de Henri III, roi de France et de Pologne. Au-dessus, se lit une inscription tracée en lettres noires sur un cadre mal doré, Henri de Valois. L'autre portrait, doré plus récemment, aussi frais de peinture que l'autre est suranné, représente une jeune femme à l'œil noir, au nez fin et droit, aux pommettes saillantes, à la bouche circonspecte. Elle est coiffée, ou plutôt écrasée, d'un édifice de cheveux et de soieries, près duquel le toquet de Henri III prend les proportions d'une taupinière près d'une pyramide. Sous ce portrait se lit également, en lettres noires, Jeanne de Valois. Et si l'on veut, après avoir inspecté l'âtre éteint, les pauvres rideaux de siamoise, du lit recouvert de damas vert jauni, si l'on veut savoir quel rapport ont ces portraits avec les habitants de ce cinquième étage, il n'est besoin que de se tourner vers une petite table de chêne sur laquelle, accoudée du bras gauche, une femme, simplement vêtue, révise plusieurs lettres cachetées et en contrôle les adresses. Cette jeune femme est l'original du portrait. À trois pas d'elle, dans une attitude semi-curieuse, semi-respectueuse, une petite vieille suivante, de 60 ans, vêtue comme une duègne de Greuze, attend et regarde. « Jeanne de Valois », disait l'inscription. Mais alors, si cette dame était une Valois, comment Henri III, le roi sybarite, le voluptueux fraisé, supportait-il, même en peinture, le spectacle d'une misère pareille, lorsqu'il s'agissait non seulement d'une personne de sa race, mais encore de son nom? Au reste, la dame du cinquième ne démentait point, personnellement, l'origine qu'elle se donnait. Elle avait des mains blanches, délicates, qu'elle réchauffait de temps en temps sous ses bras croisés. Elle avait un pied petit, fin, allongé, chaussé d'une pantoufle de velours encore coquette, et qu'elle essayait de réchauffer aussi en battant le carreau luisant et froid comme cette glace qui couvrait Paris. Puis comme la bise sifflait sous les portes et par les fentes des fenêtres, la suivante secouait tristement les épaules et regardait le foyer sans feu. Quant à la dame maîtresse du logis, elle comptait toujours les lettres et lisait les adresses. Puis, après chaque lecture d'adresse, elle faisait un petit calcul. « Madame de Misery, murmura-t-elle, première dame d'atour de Sa Majesté, il ne faut compter de ce côté que 6 louis, car on m'a déjà donné. » Et elle poussa un soupir. « Madame Patrix, femme de chambre de Sa Majesté, 2 louis. Monsieur d'Ormesson, une audience. Monsieur de Calonne, un conseil. Monsieur de Rouen, une visite. Et nous tâchons qu'il nous la rende, » fit la jeune femme. « Nous avons donc, » continua-t-elle du même ton de psalmodie, « 8 louis assurés d'ici à 8 jours. » Il leva la tête. « Dame Clotilde, » dit-elle, « mouchez donc cette chandelle. » La vieille obéie se remit en place, sérieuse et attentive. Cette espèce d'inquisition dont elle était l'objet parut fatiguer la jeune femme. « Cherchez donc, ma chère, » dit-elle, « s'il ne reste pas ici quelques bouts de bougie, et donnez-le-moi. Il m'est odieux de brûler de la chandelle. »« Il n'y en a pas, » répondit la vieille. « Voyez toujours. Où cela ? Mais dans l'antichambre. Il fait bien froid par là. Eh, tenez, justement, on sonne. dit la jeune femme. « Madame se trompe, » dit la vieille opiniâtre. « Je l'avais cru, dame Clotilde. » Et voyant que la vieille résistait, elle céda, grondant doucement, comme font les personnes qui, par une cause quelconque, ont laissé prendre sur elles par des inférieurs des droits qui ne devraient pas leur appartenir. Puis elle se remit à son calcul. 8 louis sur lesquels j'en dois 3 dans le quartier. Elle prit la plume et écrivit. 3 louis. 5 promis à M. de Lamotte pour lui faire supporter le séjour de Bar-sur-Aube. Mort diable. Notre mariage ne l'a pas enrichi, mais patience. Et elle sourit encore, mais en se regardant cette fois dans un miroir placé entre les 2 portraits. Maintenant, continua-t-elle, course de Versailles à Paris et de Paris à Versailles. Course 1 louis. Il écrivit ce nouveau chiffre à la colonne des dépenses. La vie maintenant, pour 8 jours, 1 louis. Elle écrivit encore. Toilette, fiacre, gratification aux Suisses des maisons où je sollicite, 4 louis. Est-ce bien tout? Additionnons. Mais au milieu de son addition, elle s'interrompit. On sonne, vous dis-je. Non, madame, répondit la vieille, engourdie à sa place. Ce n'est pas ici, c'est au-dessous, au 4e. 4, 6, 11, 14 louis. 6 de moins qu'il n'en faut. Et toute une garde-robe à renouveler. Et cette vieille brute à payer pour la congédier. Puis tout à coup. Mais je vous dis qu'on sonne, malheureuse, s'éclata-t-elle en colère. Et cette fois, il faut l'avouer, l'oreille la plus indocile n'eût pu se refuser à comprendre l'appel extérieur. La sonnette agitée avec vigueur frémit dans son angle et vibra si longtemps que le battant frappa les parois d'une 12aine de chocs. À ce bruit, et tandis que la vieille, réveillée enfin, courait à l'antichambre, sa maîtresse, agile comme un écureuil, enlevait les lettres et les papiers épars sur la table, jetait le tout dans un tiroir, et après un rapide coup d'œil lancé sur la chambre pour s'assurer que tout y était en ordre, prenait place sur le sofa dans l'attitude humble et triste d'une personne souffrante mais résignée. Seulement, hâtons-nous de le dire, les membres seuls se reposaient. L'œil actif, inquiet, vigilant, interrogeait le miroir qui reflétait la porte d'entrée, tandis que l'oreille aux aguets se préparait à saisir le moindre son. La duègne ouvrit la porte et l'on entendit murmurer quelques mots dans l'antichambre. Alors, une voix fraîche et suave, et cependant empreinte de fermeté, prononça ces paroles. « Est-ce ici que demeure Madame la Comtesse de Lamotte ?»« Madame la Comtesse de Lamotte Valois ?» répéta en asiant Clotilde. « C'est cela même, ma bonne dame. Madame de Lamotte est-elle chez elle ?»« Oui, madame, et trop souffrante pour sortir. » Pendant ce colloque, dont elle n'avait pas perdu une syllabe, la prétendue malade, ayant regardé dans le miroir, vit qu'une femme questionnait Clotilde et que cette femme, selon toutes les apparences, appartenait à la classe élevée de la société. Elle quitta aussitôt le sofa et gagna le fauteuil, afin de laisser le meuble d'honneur à l'étrangère. Pendant qu'elle accomplissait ce mouvement, elle ne put remarquer que la visiteuse s'était retournée sur le palier et avait dit à une autre personne restée dans l'ombre « Vous pouvez entrer, madame, c'est ici. » La porte se referma et les 2 femmes que nous avons vues demander le chemin de la rue Saint-Claude venaient de pénétrer chez la comtesse de Lamotte Valois. « Que faut-il que j'annonce à madame la comtesse ?» demanda Clotilde en promenant curieusement, quoique avec respect, la chandelle devant le visage des 2 femmes. « Annoncez une dame des bonnes œuvres, » dit la plus âgée. « De Paris ? Non, de Versailles. » Clotilde entra chez sa maîtresse, et les étrangères, la suivant, se trouvèrent dans la chambre éclairée au moment où Jeanne de Valois se soulevait péniblement de dessus son fauteuil pour saluer très civilement ses 2 hôtesses. Clotilde avança les 2 autres fauteuils afin que les visiteuses eussent le choix et se retira dans l'antichambre avec une sage lenteur qui laissait deviner qu'elle suivrait derrière la porte la conversation qui allait avoir lieu.